Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est le tout dernier quart d'heure d'émission avant l'automne prochain, mais voici une suggestion de lecture pour rester à l'affût des questions scientifiques. Il s'agit du livre Les meilleurs blogs de science en français qui est paru récemment aux éditions Multimonde sous la coordination de Pascal Lapointe. Pascal Lapointe étant le rédacteur en chef de l'agence Science Presse et il est en ligne au téléphone avec nous pour en parler. Bonjour Pascal. Bonjour Valérie. Alors tout d'abord, peut-être une question qui revient de temps en temps à propos des livres qui publient des blogs finalement. Pourquoi un livre avec des billets de blog quand ces billets sont accessibles sur Internet? C'est étrange, hein? Puis effectivement, ouais. c'est comme leur donner une deuxième vie, une vie à laquelle ils ne sont pas habitués eux-mêmes, ils sont habitués à voler de leurs propres ailes dans le cyberespace. Ouais. Mais écoutez, c'est une façon effectivement de leur donner une deuxième vie, de les valoriser aussi, parce que beaucoup de ces blogs-là, beaucoup de ces billets-là perdent de leur intérêt ou se perdent un peu dans les limbes après quelques jours ou quelques semaines. Et c'est peut-être une façon aussi, mais ça c'est un espoir, d'aller chercher un public différent. Oui. Vous savez, on pense à tous ces gens, puis peut-être même parmi vos auditeurs, des gens qui aiment beaucoup la science, qui sont curieux de science, mais qui se disent « Oh, bof, les blogs, c'est pas très important ». Mais là, le fait de leur dire, ben, écoutez, là, dans un livre, là, vous avez les 50 meilleurs billets de blog parus dans la francophonie dans l'année dernière. Alors, ça peut être un incitatif pour certaines personnes pour dire, ah, ben, c'est peut-être pour moi une façon de découvrir qu'est-ce qui se fait de mieux dans la blogosphère scientifique. Puis, on connaît quelques blogs, mais on les connaît probablement pas tous. Donc, c'est aussi l'idée, peut-être, d'en connaître de nouveaux. Donc, comment on fait pour sélectionner les meilleurs billets? On lance un appel à travers la francophonie? Effectivement, on a commencé par ça, on a lancé un appel à tout ce qu'on pouvait trouver, tout ce qu'on pouvait ramasser comme blogueur. On est un peu aidé par le fait qu'il y a quand même des plateformes ici et là, outre l'agence Science Presse, il y en a une appelée Café des Sciences en France, donc eux peuvent se charger de relayer les messages. Mais au fil du temps, on finit par les connaître, les blogueurs. Ça fait quelques années, plusieurs années même qu'on suit ça à l'agence Science Presse. Il y en a plusieurs qu'on connaît, puis on a déjà les courriels. Et puis, de fil en aiguille, les messages sont relayés. Et aujourd'hui, avec Twitter et Facebook, ça devient encore plus facile. En fait, il faut croire que, parce que comme vous l'avez dit, c'est la deuxième édition, il faut croire qu'on commence à être déjà connu. La surprise de voir qu'on avait à peine commencé à lancer les appels pour la deuxième édition, qu'on recevait déjà des soumissions, y compris de blogueurs qu'on n'avait même pas encore contactés. Alors, le message commence probablement à circuler plus qu'on le pensait nous-mêmes. Ouais. Donc, je ne sais pas, est-ce que, pour avoir une idée, il y a combien de personnes, combien de blogueurs ont répondu et combien vous avez reçu de billets de blog? Alors, il y a 160 blogueurs qui ont soumis des textes cette année. Ils ont soumis en tout 280 textes. Ils pouvaient en soumettre un ou deux parus dans la dernière année. Et comparativement à ça, il y en avait 98 qui avaient soumis l'année précédente. Ah, oui, c'est deux fois. De 98 à 160, c'est un bon assez impressionnant. Ouais. Et donc, ils ont soumis 280 textes. Et puis, c'est ça, comme vous disiez, c'est à partir de là qu'il fallait les sélectionner parce que chacun d'eux soumettait son ou ses deux meilleurs textes de l'année. Donc, il y avait déjà une mini-sélection, mais comme on voulait ramener ça à 6 ans pour le livre, il y avait un sacré travail d'écrémage à faire. Oui, alors c'est quoi les critères pour choisir les 50 meilleurs? Le plus important, c'est la pertinence. Il fallait évidemment que ce soit un billet qui soit encore pertinent des mois ou même un an plus tard. Le deuxième plus important, c'était un effort pour rejoindre un public qui ne soit pas le public déjà gagné d'avance. Autrement dit, on ne demandait pas nécessairement les textes super bien vulgarisés parce qu'on ne voulait pas avoir que des journalistes ou des professionnels de la vulgarisation, mais des gens qui ont fait l'effort à travers leur sujet pour aller chercher un public qui n'est pas nécessairement leur public habituel. Exemple, un blogueur qui est assez spécialisé a pondu quelque chose sur les imprimantes 3D. Et c'est extrêmement intéressant, même si les imprimantes 3D ne sont pas votre domaine. Vous découvrez tout à coup des usages que les imprimantes 3D vont avoir dans les laboratoires et en sciences dans les années à venir. C'est un peu ça, la pertinence, la vulgarisation. Et puis, le dernier critère, c'est le plus flou de tous, c'est-à-dire c'est l'intérêt suscité par le texte. Alors, pour ça, c'est plus juste une personne ou deux personnes. On a formé un comité de lecture d'une dizaine de personnes qui ont donné des notes au billet. On a essayé à partir de ça d'en dégager 50. C'est sûr qu'en bout de ligne, on pourrait pas vous dire « Ah, il y a ce texte-là, il a terminé 51e » parce qu'il y a une part de subjectivité en bout de ligne dans lequel on choisit des textes qu'on essaie de rendre un peu qui vont donner certaines représentativités des gens de plusieurs pays, hommes, femmes, plusieurs disciplines et ainsi de suite. Ouais, ça ne doit pas être un exercice très facile quand même de sélectionner 50 parmi plus de 200 ou je ne sais plus combien. Ouais. C'est palpitant, c'est vraiment une lecture fascinante. Ouais. Et alors, en fait, qui sont ces blogueurs? Est-ce que c'est des scientifiques, des journalistes ou d'autres personnes? Les deux. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de scientifiques aussi, d'étudiants en sciences, maîtrise, doctorat, et aussi des gens qui sont un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont travailler aux communications dans une université, par exemple, ou un ministère, ou un organisme subventionnaire. Donc, on pourrait dire qu'un mélange, je dirais moitié-moitié, de professionnels de la communication et de gens qui sont soit étudiants en sciences ou en sciences sociales pour quelques-uns, soit scientifiques pur et dur, là, des chercheurs universitaires qui travaillent là-dedans à temps plein. Mm-hmm. Et qui ont tous un intérêt pour la vulgarisation. Ouais. Et alors, quels sont les sujets à aborder? Parce que la science est quand même assez large. Donc, dans le livre en tant que tel, on retrouve quel sujet? Alors, un peu tout. Il y a les sujets traditionnels, bon, la physique, la biologie, mais il y a quelques sujets que j'appellerais, donc, science et société. C'est-à-dire, quelle est la place de la science dans le monde qui nous entoure? Qu'est-ce qui peut influencer notre vie de tous les jours? Science et économie, science et politique. Il y a un chercheur, par exemple, qui pose la question, qui explique dans son billet pourquoi est-ce qu'il fait de la politique? Pourquoi est-ce qu'il juge important pour les chercheurs de se lancer en politique puis de s'engager socialement? Si on avait à comparer, par exemple, les deux années, on pourrait dire que tout ce qui est science et société domine. On a souvent tendance à penser que le vulgarisateur, c'est celui qui prend une recherche puis qui la vulgarise. Ben non, ça va beaucoup de ça. En fait, je pense qu'il n'y a aucun des biais dans le livre qui part simplement d'une recherche pour dire « Ah, ils viennent de publier ça dans Nature, puis moi je le résume. Mm-hmm. » Tous ceux qui partent d'une recherche vont beaucoup au-delà pour mettre du contexte, pour expliquer pourquoi elle est importante, pourquoi il y a cette tendance-là dans la recherche. Et c'est ça qui fait souvent le meilleur... Ben, vous le savez à votre émission, hein, c'est souvent ça qui fait les meilleurs reportages, les meilleures entrevues en journalisme scientifique. Mm-hmm. Et alors, là, on parle de l'évolution entre les deux éditions, puis quand même, c'est deux éditions qui ont juste un an d'écart, donc c'est une évolution assez rapide. Donc, outre le nombre d'auteurs, est-ce qu'il y a une diversification des sujets ou est-ce qu'il y a une évolution dans la façon d'écrire les textes? Ça, c'est mon impression personnelle, puis répétez-le à personne. Personne ne va l'entendre. Mais l'évolution que j'ai sentie, c'est qu'il y avait beaucoup de textes dans la première année qui étaient beaucoup des textes explications. Alors, le chercheur ou l'étudiant qui dit « Bon, ben moi, je vais tout vous expliquer ce qu'il y a à savoir sur les araignées et la toile d'araignée. Ouais. » C'est extrêmement intéressant et bien vulgarisé. Alors que cette année, on sent que j'ai l'impression qu'il y a un effort pour coller davantage de l'actualité, à savoir ceux qui vont souvent nous parler de l'araignée ou d'une bébite vont prendre un prétexte qui sort de l'actualité, une recherche récente, quelque chose qui est dans l'actualité politique ou même sportive. Et bon, ben, le réflexe du journaliste, en quelque sorte, et c'est intéressant de voir des gens qui ne sont pas du tout journalistes, qui sont chercheurs, qui sont étudiants au doctorat, avoir ce réflexe-là. Ah oui, qui vont s'ancrer dans... C'est vraiment une évolution, c'est juste mon impression, ou ce sont des gens qui ont lu la première édition et qui ont dit « Ah, c'est une bonne idée de trouver des prétextes comme ça pour parler de mon sujet. » Mais je pourrais peut-être vous en dire plus pour la troisième édition, s'il y en a une, parce que c'est vraiment une évolution que j'ai remarquée entre ces deux livres. Eh bien, on va laisser les auditeurs se faire leur propre impression en allant découvrir cette deuxième édition des meilleurs blogs scientifiques en français parus aux éditions Multimonde. Merci, Pascal. Merci Valérie. Donc je rappelle que Pascal Lapointe est rédacteur en chef à l'agence Science Presse, qui d'ailleurs héberge bon nombre de blogs avec toutes sortes de textes à découvrir.